The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Change. La monnaie. To depend. Dépendre. Coins. La pièce. To joke. Plaisanter. Note. Le billet. Now, a bit faster. Note. Le billet. Coins. La pièce. To depend. Dépendre. Change. La monnaie. To joke. Plaisanter. Now, use the words in context. La monnaie. Tell me, do you have some change for a 10-euro note? Dis-moi, tu as de la monnaie sur 200 euros? La monnaie. Sorry, I don't have small change. I only have a 50 note. Excusez-moi, je n'ai pas de monnaie. Je n'ai qu'un billet de 50. La monnaie. He made a mistake when he gave me the change. Il s'est trompé quand il m'a rendu la monnaie. Dépendre. It isn't up to me anymore. Cela ne dépend plus de moi. Dépendre. What about having a picnic tomorrow? It will depend on the weather. On va faire un pique-nique demain? Ça dépend du temps. Dépendre. The success of this project depends on the quality of the products. La réussite de ce projet dépend de la qualité des produits. Plaisanter. Are you kidding me? It's unbelievable. Tu plaisantes? C'est incroyable. Plaisanter. Can we make jokes about anything? Peut-on plaisanter de tout? Plaisanter. He's never serious, always joking with the customers. Il n'est jamais sérieux, toujours à plaisanter avec les clients. Le billet. I can't accept your note. It's a fake. Je ne peux pas accepter votre billet. C'est un faux. Le billet. I left a 500 note in my jeans pocket that's in the washing machine. J'ai laissé un billet de 500 euros dans la poche de mon jean qui est dans la machine à laver. Le billet. Stop counting your money. You look like Louis de Funès in The Scrooge by Molière. Arrête de compter tes billets. On dirait Louis de Funès dans L'avare de Molière. La pièce. I have lost a coin. J'ai perdu une pièce. La pièce. I only have a couple of coins to finish the month. Je n'ai que quelques pièces pour terminer le mois. La pièce. Do you have a coin for this beggar? Tu as une pièce pour ce mendiant?